plein de fois que je fais tourner cette boucle là. Allez. En 32 BPM, on y va. Pilibiliba. Mon arrangement est fait, c'est bon, après je la reprendrai la prochaine fois. dégueulasse. J'ai rajouté une batterie, mais elle a l'air d'être dégueulasse. J'ai fait comme guitare dessus. Non, la guitare elle était trop dégueulasse. Je crois que je vais la garder comme ça. Pas de batterie. I'm too bad. Thank you. and the rider will be so wrong. Someone just sing me come on around here. Come and love me, Lord, it's Santander. Thank you. and Mike at the guitar. Come on, bro. Play. Merci, merci.